Maître et disciple par Gustave Gessviller. Décidément, tout lasse, même le succès. Tant qu'on ne le tient pas, on le désire. Dès qu'on le tient, on regrette de n'avoir plus à désirer. Et, dirait Salomon, cela est encore une fatigue. Ainsi soupirait ce soir-là, en regagnant son logis, le poète dramatique Conrad Armel. Certes, il avait grand tort de soupirer, mais il était, en vérité, très fatigué. Ayant brillamment remporté une décisive victoire qui consacrait son talent, il ployait à cette heure sous les souffrances du combat. La lassitude succédait à la fièvre. Poursuivi encore par les bravos retentissants qui avaient accueilli son œuvre, le cœur palpitant des émotions aiguës qui l'assaillirent durant cette mémorable première, la tête lourde de migraines, la gorge brûlée, les oreilles bourdonnantes, il s'était échappé de la cohue et tout seul, à pied dans les rues désertes, savourant égoïstement son triomphe, il fuyait les ovations de ses admirateurs, ainsi que les grimaces louangeuses des chers confrères. Bref, se disait le poète victorieux, c'est une excellente soirée, et elles sont rares, de semblables perles dans l'existence. Il me semble que j'arrive, que je viens d'arriver. À 47 ans, c'est jeune, très jeune. Le poète ricana pour se prouver qu'il se moquait de lui-même, ou des autres. Il aurait sans doute persévéré dans ses réflexions, mais il s'aperçut qu'il était devant sa porte. Au moment où il allait pénétrer, il entendit des pas précipités et une voix essoufflée qui disait « Maître, maître !» Conrad Armel se retourna et vit auprès de lui une grande ombre mince. « Que voulez-vous ? » demanda brusquement le poète acclamé. « Maître !» murmura l'ombre d'un ton humble qui semblait ramper d'abord. Pour s'élever ensuite comme un parfum d'encens. Maître, veuillez m'écouter. Je vous suis depuis le théâtre. Tout le long de la route, je n'ai pas osé vous aborder. Vous étiez si pensif, et j'aurais craint de troubler votre inspiration. Que souhaitez-vous de moi ? Fit Conrad Armel, s'adoucissant. L'ombre tendit un rouleau. Je suis un pauvre petit poète, maître, un obscur petit débutant. Voici des vers, un drame. Pardonnez-moi. Mais je vous serais si reconnaissant de le lire. » L'ombre suppliait. Conrad Armel, ce soir-là, avait l'âme encline à l'indulgence. « Un disciple, déjà » pensa-t-il. L'ombre devenait muette, attendait, grelottante. « Nous ne pouvons ainsi causer dans le noir, monsieur, » dit Conrad Armel. « Entrez donc un instant chez moi. Oh, maître !»« Je serais enchanté, ma foi, » songeait le poète, d'associer à mon bonheur une bonne action. Cela me rendrait cette soirée plus chère. Qui sait, il a peut-être du talent, ce garçon, et j'ai débuté, moi aussi. Conrad Armel fit pénétrer le solliciteur dans un cabinet de travail, et là, put le considérer. C'était un garçon maigre et blond, dont le visage imberbe aurait eu l'air naïf, sans l'éclat extraordinaire de ses yeux gris. « Donc vous êtes poète, mon jeune ami, » dit Conrad Armel en dépliant le manuscrit. « Comment vous nommerai-je ? Jacques Fonty. Quel âge avez-vous ? 20 ans ? 23, maître. Ah, vous me rajeunissez. J'ai eu 23 ans, moi aussi, et j'étais alors, comme vous, poète dramatique en chambre. » Conrad Armel feuilleta le manuscrit, d'abord distraitement, puis son attention s'éveilla. Brusquement, il ferma le cahier. « Il y a de si bonnes et belles choses là-dedans, mon jeune ami, que je remets à plus tard mon examen. Je suis un peu fatigué, et vous prie de m'accorder quelque temps pour que je puisse foncièrement étudier votre œuvre. Voulez-vous revenir dans 15 jours ? Je n'attendais pas tant de votre bonté, maître, s'écria le débutant poète, extasié de joie. Combien je vous remercie ? C'est moi, répondit Conrad Armel, qui vous remercie de m'avoir élu votre juge, et en agissant ainsi, d'avoir ajouté à cette heureuse journée une satisfaction nouvelle. La quinzaine écoulée, fidèle au rendez-vous, Jacques Fonty se présenta à la demeure du maître. Il apprit là que le grand poète Conrad Armel était subitement parti en voyage pour de très lointains horizons. Quelques années après, le hasard, pendant une ondée, remit les deux poètes en présence sous une porte. « Tiens, c'est vous. Vous me reconnaissez, maître ? Oui, oui, mais rafraîchissez mes souvenirs. Je suis Jacques Fonty, vous savez bien, le petit poète qui osa vous aborder. » Un soir de grand succès, parfaitement. l'association des idées et l'association des sentiments. En une seconde, Conrad Armel revécut cette soirée de triomphe à laquelle Jacques Fonty était si étroitement mêlé. Mais le poète, ramené ainsi en arrière, s'attendait à revoir le grand blondin imberbe qui timidement l'implorait. Hélas, quel changement! Une vieillesse précoce s'était abattue sur ce visage dont l'expression confiante était changée en amertume. Ses yeux gris avaient perdu leur éclat. Le sourire aux lèvres semblait une contraction de douleur. Remué par cette apparition lamentable, surgissant d'un passé lumineux, Conrad Armel retint difficilement une exclamation de pitié. « Eh bien, que devenez-vous ? Rien de bon. Pourquoi ne vous ai-je jamais revu ? C'est toute une triste histoire. Vous me la raconterez, n'est-ce pas ? » dit affectueusement Conrad Armel, pris de compassion ou de curiosité. « Sait-on jamais avec les poètes ?»« C'est peu intéressant, maître. C'est banal comme le chagrin. D'abord, j'espérais, à cause des bonnes paroles que vous m'aviez dites. J'ai travaillé ardemment, piteuse besogne. Je me suis heurté du front à toutes les portes, à toutes. On riait de moi, pauvre poète inconnu, et vous ne reveniez pas. Quand vous êtes revenu, je traînais de ci, de zloc, que je ne pouvais décemment songer à vous. Voilà. Ah, maître, j'ai beaucoup souffert de ne plus vous voir. Mon pauvre ami, pardonnez-moi. Je me souviens de tout maintenant, oui. Un départ forcé, un long, long voyage. Désolé de n'avoir pas songé à vous prévenir. Mais enfin, je vous retrouve. Trop tard. Comment cela ? Devant la persistance de mes insuccès, j'ai dû abdiquer. J'ai compris que je poursuivais une ombre. J'ai cessé cette folle poursuite. Maintenant, je gagne ma vie péniblement et tristement, à copier des chiffres au fond d'un bureau, derrière un grillage. L'art, les vers, c'est du rêve, et le rêve ne nourrit pas. Conrad Armel réfléchissait profondément. Il dit soudain, « Ne m'aviez-vous pas confié un manuscrit, un drame ? Comment était-il intitulé, ce drame ?»« Les bannis. Mais que m'importe ? Il faudra que je le recherche, pour vous le rendre. Laissez-le où il est. Je ne veux pas le voir. » Le lendemain, Jacques Fonty reçut une enveloppe qui contenait 2 billets de 1 000 francs. Il écrivit aussitôt à Conrad Armel, « Permettez-moi de refuser ce secours. De tels bienfaits me gâteraient les seuls que je sollicite de vous. » « Autorisez-moi à vous aller voir de temps à autre pour ressusciter les jouissances artistiques qui me sont défendues, et je ne me plaindrai plus de mon sort. » En vain, Conrad Armel renouvela-t-il ses offres charitables. Jacques Fonty les refusa toutes avec la même dignité. Le vieux poète essaya vainement aussi de secouer la torpeur en laquelle Jacques Fonty se complaisait. Mais il recevait toujours la même réponse. « J'ai abdiqué. J'ai tué l'artiste qui vivait en moi. » D'abord, ils se virent très fréquemment, puis leurs relations tiédirent. À 3 reprises consécutives, Jacques Fonty trouva fermée la porte du maître. Il comprit qu'il devenait gênant et il se résigna. Un jour, il reçut du poète l'invitation suivante. « Quoique, mon cher ami, vous ayez pris l'habitude de toujours dire non, j'espère que cette fois-ci vous me ferez l'honneur de dire oui. » Voici une place pour la première de mon nouveau drame, le pardon. Venez le voir, je vous prie. Sûr de votre acceptation, je vous remercie cordialement d'avance. » À l'heure fixée, Jacques Fonty, vêtu de ce qu'il appelait ses vêtements de solliciteur, prit place dans sa stalle. Dès la première scène, un inexprimable sentiment s'empara de lui. Il lui semblait retourner vers son passé et retrouver l'ardente foi de sa jeunesse. Cette musique de mots agissait sur lui comme un filtre magique, plongeait son âme dans les ivresses d'autrefois, la parfumait de souvenirs exquis. Il crut n'avoir que 20 ans. Tout à coup il pâlit, se frotta les yeux, secoua la tête. « Suis-je fou ? » se demanda-t-il. Il devait être fou, en effet, puisqu'il s'imaginait maintenant que c'était son drame, ses bannis, qu'on représentait là, devant lui. « Oui. » C'était bien sévère qu'il entendait. Il voulut s'en assurer. Avant les acteurs, il prononçait tout bas les mots. « Non, je suis fou. Mon Dieu, Conrad Armel m'aurait volé. Oh, mon maître !» La douleur fut chez lui plus forte que l'indignation. Il restait prostré, se répétant. mon maître !» Il se rappela l'insistance avec laquelle Conrad Armel voulait lui faire accepter des secours d'argent. « C'est cela, il désirait m'acheter, acheter mon œuvre !» Le rideau tomba. Étourdi, écrasé, Jacques Fonty demeura à sa place. Autour de lui, on causait. Il distingua des lambeaux de phrases. « Étonnant, cet Armel, il ne vieillit pas. Dites plutôt qu'il rajeunit. Ses dernières productions sont loin de valoir celles-là. Quelle hardiesse, quelle fougue, quelle allure !» Au second acte, le bruit des applaudissements modifia les pensées de Jacques Fonty. Une terrible colère bouillonna en lui. « Misérable ! Et il m'a invité, misérable !» Il se contint. « Tout à l'heure, quand on viendra jeter ton nom à la foule, je me lèverai, et c'est moi qui le prononcerai ton nom, ton vrai nom, voleur, voleur !» Le dernier acte s'acheva. La salle, enthousiasmée, électrisée, criait « L'auteur, l'auteur !» Un des comédiens parut. Le silence s'établit aussitôt. « Mesdames et messieurs, » commença le comédien. Il fut interrompu par un formidable tonnerre d'applaudissements. Conrad Armel venait de paraître sur la scène et, souriant, s'avançait vers le public. Jacques Fonty, qui s'est élevé, menaçant, retomba sur son siège, assommé par cet excès d'audace et de vanité. Conrad Armel, à côté du comédien ébahi, attendait que la salle fît de nouveau silence. « Mesdames et messieurs, » dit-il enfin d'une voix claire et ferme, « si je vous ai trompé, vous me pardonnerez un mensonge, en faveur de l'intention. Le drame que vous venez d'accueillir avec un enthousiasme si légitime n'est pas de moi. Ce drame est l'œuvre d'un poète méconnu que je suis fier de vous présenter. Il se nomme Jacques Fonty. » Et dans le silence de stupeur qui succéda à ces paroles, on entendit comme de longs sanglots qui s'élevaient du fond de la salle. « Maître, maître !» Que les géographes m'excusent, je ne puis me rappeler le nom du pays où se passa cette histoire. C'était « Maître et disciple » par Gustave Gessviller.